Il est 20h30 et vous écoutez France Culture, une soirée spéciale, on l'a dit, consacrée à Notre-Dame de Paris, monument littéraire. Alors bienvenue aux auditeurs, auditrices qui nous rejoignent maintenant pour cette soirée exceptionnelle qui vous emmène donc jusqu'au bout de la nuit, c'est-à-dire en finalement 7h du matin, toute une nuit avec Notre-Dame de Paris, c'est ce que nous vous proposons. Une nuit qui commence avec la lecture en direct et en public de fragments du roman lu par Charles Berling, en direct donc et en public de la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand. Dans quelques instants, vous allez découvrir la langue fantastique de Victor Hugo. Nous avons choisi dans cet énorme livre quelques scènes mémorables, quelques grands moments du roman dans lesquels Hugo peint ses personnages à l'image de la cathédrale. Quasimodo est jumeau de Notre-Dame, son visage, son corps sont le miroir du monument. Le feuilleton radiophonique que vous avez pu entendre tout à l'heure à 20h et que vous retrouverez à 21h30 sur France Culture mettait en scène, en dialogue et en son Notre-Dame de Paris avec cette lecture de Charles Berling. Nous avons fait le choix de donner toute sa place à la littérature plutôt que le scénario et l'histoire. Nous avons choisi de faire entendre la puissance d'un écrivain, le charme de son écriture. Voici donc une dizaine de fragments pris dans 10 chapitres au titre poétique. Tout de suite, c'est Charles Berling en direct, en public, de la Bibliothèque nationale de France. Livre deuxième. La place de Grève. Pierre Gringoire et la Esmeralda. Des baisers pour des coups. Il ne reste aujourd'hui qu'un bien imperceptible vestige de la place de Grève telle qu'elle existait alors. Les personnes qui, comme nous, ne passent jamais sur la place de Grève sans donner un regard de pitié et de sympathie à cette pauvre tourelle étranglée entre deux masures du temps de Louis XV, peuvent reconstruire aisément, dans leur pensée, l'ensemble d'édifice auquel elle appartenait, et y retrouver entière la vieille place gothique du XVe siècle. C'était, comme aujourd'hui, un trapèze irrégulier bordé d'un côté par le quai, et des trois autres par une série de maisons hautes, étroites et sombres. La Grève avait dès lors cet aspect sinistre que lui conserve encore aujourd'hui l'idée exécrable qu'elle réveille et le sombre hôtel de ville qui a remplacé la maison aux piliers. Il faut dire qu'un gibet et un pilori permanent, une justice et une échelle, comme on disait alors, dressées côte à côte au milieu du pavé, ne contribuaient pas peu à faire détourner les yeux de cette place fatale, où tant d'êtres pleins de santé et de vie ont agonisé. Lorsque Pierre Gringoire arriva sur la place de Grève, il était transi. Aussi se hâta-t-il de s'approcher du feu de joie qui brûlait magnifiquement au milieu de la place. Mais une foule considérable faisait cercle alentour. En examinant de plus près, il s'aperçut que le cercle était beaucoup plus grand qu'il ne fallait pour se chauffer au feu du roi, et que cette affluence de spectateurs n'était pas uniquement attirée par la beauté du sang de bourrée qui brûlait. Dans un vaste espace laissé libre entre la foule et le feu, une jeune fille dansait. Si cette jeune fille était un être humain, ou une fée, ou un ange, c'est ce que Gringoire, tout philosophe sceptique, tout poète ironique qu'il était, ne put décider dans le premier moment, tant il fut fasciné par cette éblouissante vision. Elle n'était pas grande, mais elle le semblait, tant sa fine taille s'élançait hardiment. Elle était brune, mais on devinait que le jour, sa peau devait avoir ce beau reflet doré des Andalouses et des Romaines. Son petit pied aussi était andalou, car il était tout ensemble à l'étroit et à l'aise dans sa gracieuse chaussure. Elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse, jeté négligemment sous ses pieds. Et chaque fois qu'en tournoyant, sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair. Autour d'elle, tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes. Et en effet, tandis qu'elle dansait ainsi, au bourdonnement du tambour de basque que ses deux bras ronds et purs, élevés au-dessus de sa tête, mince, frêle et vive comme une guêpe, avec son corsage d'or sans plis, sa robe bariolée qui se gonflait, avec ses épaules nues, ses jambes fines que sa jupe découvrait par moments, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme. C'était une surnaturelle créature. En vérité, pensa Gringoire, c'est une salamandre, c'est une nymphe, c'est une déesse, c'est une bacchante du mont Ménaléen. En ce moment, une des nattes de la chevelure de la salamandre se détacha. Et une pièce de cuivre jaune qui était attachée roula à terre. « Et non !» dit-il. « C'est une bohémienne !» Toute illusion avait disparu. Elle prit à terre deux épées dont elle appuya la pointe sur son front et qu'elle fit tourner dans un sens, tandis qu'elle tournait dans l'autre. C'était en effet, tout bonnement, une bohémienne. Mais quelque désenchanté que fût Gringoire, l'ensemble de ce tableau n'était pas sans prestige et sans magie. Le feu de joie l'éclairait d'une lumière crue et rouge, qui tremblait toute vive sur le cercle des visages de la foule, sur le front brun de la jeune fille. Et au fond de la place, jetait un blême reflet mêlé aux vacillations de leurs ombres, d'un côté sur la vieille façade noire et ridée de la maison aux piliers, de l'autre sur les bras de pierre du gibet. Parmi les mille visages que cette lueur teignait d'écarlate, il y en avait un qui semblait plus encore que tous les autres, absorbé dans la contemplation de la danseuse. C'était une figure d'homme, austère, calme et sombre. Cet homme, dont le costume était caché par la foule qui l'entourait, ne paraissait pas avoir plus de 35 ans. Cependant, il était chauve. À peine avait-il aux tempes quelques touffes de cheveux rares et déjà gris. Son front, large et haut, commençait à se creuser de rides. Mais, dans ses yeux enfoncés, éclatait une jeunesse extraordinaire, une vie ardente, une passion profonde. Il les tenait sans cesse attachés sur la bohémienne. Et tandis que la folle jeune fille de 16 ans dansait et voltigeait au plaisir de tous, sa rêverie, à lui, semblait devenir de plus en plus sombre. De temps en temps, un sourire et un soupir se rencontraient sur ses lèvres. Mais le sourire était plus douloureux que le soupir. La jeune fille, essoufflée, s'arrêta enfin, et le peuple l'applaudit avec amour. « Djali !» dit la bohémienne. Alors Gringoire vit arriver une jolie petite chèvre blanche, alerte, éveillée, lustrée, avec des cornes dorées, avec des pieds dorés, avec un collier doré qu'il n'avait pas encore aperçu et qui était resté juste là, accroupi sur un coin du tapis et regardant danser sa maîtresse. « Tchali !» dit la danseuse, « à votre tour !» Et s'asseyant, elle présenta gracieusement à la chèvre son tambour de basque. « Tchali !» continua-t-elle, « à quel mois sommes-nous de l'année ?» La chèvre leva son pied de devant et frappa un coup sur le tambour. On était en effet au premier mois. La foule applaudit. « Tchali !» reprit la jeune fille en tournant son tambour de basque d'un autre côté. « À quel jour du mois sommes-nous » Tchali leva son pied d'or et frappa six coups sur le tambour. « Tchali !» poursuivit l'égyptienne toujours avec un nouveau manège du tambour. « À quelle heure du jour sommes-nous » Tchali frappa sept coups. Au même moment, l'horloge de la maison au pilier sonna 7 heures. Le peuple était émerveillé. « Il y a de la sorcellerie là-dessous !» dit une voix sinistre dans la foule. C'était celle de l'homme chauve qui ne quittait pas la bohémienne des yeux. Elle tressaillit, se retourna, mais les applaudissements éclatèrent et couvrirent la morose exclamation. Livre quatrième. Les bonnes âmes. Il y avait 16 ans à l'époque où se passe cette histoire que, par un beau matin de dimanche de la Quasimodo, une créature vivante avait été déposée après la messe dans l'église de Notre-Dame, sur le bois de lit scellé, dans le parvis à main gauche, vis-à-vis ce grand image de Saint-Christophe que la figure sculptée en bière de Messire Antoine des Essarts, chevalier, regardait à genoux depuis 1413, lorsqu'on s'est avisé de jeter bas et le saint et le fidèle. C'est sur ce bois de lit qu'il était d'usage d'exposer les enfants trouvés à la charité publique. Les prenait là qui voulait. Devant le bois de lit était un bassin de cuivre pour les aumônes. L'espèce d'être vivant qui gisait sur cette planche le matin de la Quasimodo en l'an du Seigneur 1467 paraissait exciter à un haut degré la curiosité du groupe assez considérable qui s'était amassé autour du bois de lit. Le groupe était formé en grande partie de personnes du beau sexe. Ce n'étaient presque que des vieilles femmes. « Qu'est-ce que cela, ma sœur ?» disait Agnès à Gauchère en considérant la petite créature exposée qui glapissait et se tordait sur le lit de bois, tout effrayée de tant de regards. « Ce n'est pas un enfant, Agnès. » « C'est un singe manqué !» observait Gauchère. « C'est un miracle !» reprenait Henriette la Gaultière. En effet, ce n'était pas un nouveau-né que ce petit monstre. Nous serions fort empêchés nous-mêmes de le qualifier autrement. C'était une petite masse, fort anguleuse et fort remuante, emprisonné dans un sac de toile imprimé au chiffre de Messire Guillaume Chartier pour leur évêque de Paris, avec une tête qui sortait. Cette tête était chose assez difforme. On n'y voyait qu'une forêt de cheveux roux, un œil, une bouche et des dents. L'œil pleurait, la bouche criait et les dents ne paraissait demander qu'à mordre. Le tout se débattait dans le sac, au grand ébahissement de la foule qui grossissait et se renouvelait sans cesse alentour. Un moment après, le grave et savant Robert Mistricolle, protonotaire du roi, passa avec un énorme missel sous un bras et sa femme sous l'autre.

miettes de la ripaille publique. Bon nombre de bourgeois flânent, comme nous disons, ça et là, remuant du pied les tisons éteints du feu de joie, s'extasiant devant la maison aux piliers, au souvenir des belles tentures de la veille, et regardant aujourd'hui les clous, dernier plaisir. Et cependant, quatre sergents à cheval, qui viennent de se poster aux quatre côtés du pilori, ont déjà concentré autour d'eux une bonne portion du populaire épars sur la place, qui se condamne à l'immobilité et à l'ennui dans l'espoir d'une petite exécution. Le patient arriva enfin, lié au cul d'une charrette, et quand il eut été hissé sur la plateforme, quand on eut pu le voir, de tous les points de la place ficelés à cordes et à courroies sur la roue du pilori, une huée prodigieuse mêlée de rires et d'acclamations éclata dans la place. On avait reconnu Quasimodo. C'était lui, en effet. Le retour était étrange. Pilorié sur cette même place où la veille il avait été salué, acclamé et conclamé pape et prince des fous, en cortège du duc d'Égypte, du roi de Thunes et de l'empereur de Galilée. Quasimodo, impassible, ne sourcillait pas. Toute résistance lui était rendue impossible par ce qu'on appelait alors, en style de chancellerie criminelle, la véhémence et la fermeté des attaches, ce qui veut dire que les lanières et les chaînettes lui entraient probablement dans la chair. Il s'était laissé mener et pousser, porter, jucher, lier et relier. On ne pouvait rien deviner sur sa physionomie qu'un étonnement de sauvage ou d'idiot. On le savait sourd, on l'eût dit aveugle. On le mit à genoux sur la planche circulaire. Il s'y laissa mettre. On le dépouilla de chemise et de pourpoint jusqu'à la ceinture. Il se laissa faire. On l'enchevêtra sous un nouveau système de courroies et d'ardillons. Il se laissa boucler et ficeler. Seulement de temps à autre, il soufflait bruyamment comme un veau dont la tête pend et ballotte au rebord de la charrette du boucher. Ce fut un fou rire dans la foule quand on vit à nu la bosse de Quasimodo, sa poitrine de chameau, ses épaules calleuses et velues. Enfin, le tourmenteur frappa du pied. La roue se mit à tourner. Quasimodo chancela sous ses liens. La stupeur qui se peignit brusquement sur son visage difforme fit redoubler alentour les éclats de rire. Le peuple, au Moyen-Âge surtout, est dans la société ce qu'est l'enfant dans la famille. Tant qu'il reste dans cet état d'ignorance première, de minorité morale et intellectuelle, on peut dire de lui, comme de l'enfant, cet âge est sans pitié. Nous avons déjà fait voir que Quasimodo était généralement haï, pour plus d'une bonne raison, il est vrai. La joie avait été universelle de le voir paraître au pilori, et la rude exécution qu'il venait de subir, et la piteuse posture où elle l'avait laissé, loin d'attendrir la populace, avait rendu sa haine plus méchante en l'armant d'une pointe de gaieté. Quasimodo était sourd, mais il voyait clair. Et la fureur publique n'était pas moins énergiquement peinte sur les visages que dans les paroles. D'ailleurs, les coups de pierre expliquaient les éclats de rire. Il promena d'abord, lentement, un regard de menace sur la foule. Mais, garrotté comme il l'était, son regard fut impuissant à chasser ces mouches qui mordaient sa plaie. Le temps s'écoulait. Il était là depuis une heure et demie, au moins, déchiré, maltraité, moqué sans relâche et presque lapidé. Tout à coup, il s'agita dans ses chaînes avec un redoublement de désespoir dont trembla toute la charpente qui le portait. Et, rompant le silence qu'il avait obstinément gardé jusqu'alors, il cria avec une voix rauque et furieuse qui ressemblait plutôt à un aboiement qu'à un cri humain et qui couvrit le bruit des huées. « À boire !» Au bout de quelques minutes, Quasimodo promena sur la foule un regard désespéré et répétant d'une voix plus déchirante encore « À boire !» Et tous de rire « À boire !» répéta la troisième fois Quasimodo pantelant. En ce moment, il vit s'écarter la populace. Une jeune fille bizarrement vêtue sortit de la foule. Elle était accompagnée d'une petite chèvre blanche à cornes dorées et portait un tambour de basque à la main. L'œil de Quasimodo étincela. C'était la bohémienne qu'il avait essayé d'enlever la nuit précédente, Algarade, pour laquelle il sentait confusément qu'on le châtiait en cet instant même. Il ne douta pas qu'elle ne vînt se venger aussi et lui donner son coup comme tous les autres. Il la vit en effet monter rapidement l'échelle. La colère et le dépit le suffoquaient. Il eût voulu pouvoir faire crouler le pilori. Et si l'éclair de son œil eût pu foudroyer, l'Égyptienne eût été mise en poudre avant d'arriver sur la plateforme. Elle s'approcha, sans dire une parole, du patient qui se tordait vainement pour lui échapper. Et, détachant une gourde de sa ceinture, elle la porta doucement aux lèvres arides du misérable. Alors, dans cet œil jusque-là si sec et si brûlé, on vit rouler une grosse larme qui tomba lentement le long de ce visage difforme et longtemps contracté par le désespoir. C'était la première, peut-être, que l'infortuné eût jamais versé. Quand il eut fini, le misérable allongea ses lèvres noires, sans doute pour baiser la belle main qui venait de l'assister. Mais la jeune fille, qui n'était pas sans défiance peut-être, et se souvenait de la violente tentative de la nuit, retira sa main avec le geste effrayé d'un enfant qui craint d'être mordu par une bête. Alors, le pauvre sourd fixa sur elle un regard plein de reproches et d'une tristesse inexprimable. C'eût été partout un spectacle touchant que cette belle fille, fraîche, pure, charmante et si faible en même temps, ainsi pieusement accourue au secours de tant de misère, de difformité et de méchanceté. Sur un pilori, ce spectacle était sublime. Tout ce peuple lui-même en fut saisi et se mit à battre des mains en criant « Noël, Noël !» Les cloches. Depuis la matinée du pilori, les voisins de Notre-Dame avaient cru remarquer que l'ardeur carillonneuse de Quasimodo s'était fort refroidie. Auparavant, c'était des sonneries à tout propos, de longues aubades qui duraient de primes accomplies, des volées de beffroi pour une grand-messe, de riches gammes promenées sur les clochettes pour un mariage, pour un baptême, et s'entremêlant dans l'air comme une broderie de toutes sortes de sons charmants. La vieille église, toute vibrante et toute sonore, était dans une perpétuelle joie de cloches. On y sentait sans cesse la présence d'un esprit de bruit et de caprice qui chantait par toutes ses bouches de cuivre. Maintenant, cet esprit semblait avoir disparu. La cathédrale paraissait morne et gardait volontiers le silence. Les fêtes et les enterrements avaient leur simple sonnerie, sèche et nue, ce que le rituel exigeait, rien de plus. Du double bruit que fait une église, l'orgue au-dedans, la cloche au-dehors, il ne restait que l'orgue. On eût dit qu'il n'y avait plus de musiciens dans les clochers. Quasimodo y était toujours pourtant. Que s'était-il donc passé en lui? Était-ce que la honte et le désespoir du pilori duraient encore au fond de son cœur? Que les coups de fouet du tourmenteur se répercutaient sans fin dans son âme? Et que la tristesse d'un pareil traitement avait tout éteint chez lui, jusqu'à sa passion pour les cloches? Ou bien, était-ce que Marie avait une rivale dans le cœur du sonneur de Notre-Dame, et que la grosse cloche et ses 14 sœurs étaient négligées pour quelque chose de plus aimable et de plus beau? Il arriva que, dans cette gracieuse année 1482, l'Annonciation tomba un mardi 25 mars. Ce jour-là, l'air était si pur et si léger que Quasimodo se sentit revenir quelque amour de ses cloches. Il monta donc dans la tour septentrionale, tandis qu'en bas le bedeau ouvrait toutes larges les portes de l'église, lesquelles étaient alors d'énormes panneaux de fort bois couverts de cuir, bordés de clous de fer dorés et encadrés de sculptures fort artificiellement élaborées. Parvenu dans la haute cage de la sonnerie, Quasimodo considéra quelque temps, avec un triste hochement de tête, les 6 campaniles. Comme s'il gémissait de quelque chose d'étranger qui s'était interposé dans son cœur entre elle et lui. Mais quand il les eut mises en branle, quand il sentit cette grappe de cloches remuer sous sa main, quand il vit, car il ne l'entendait pas, l'octave palpitante monter et descendre sur cette échelle sonore comme un oiseau qui saute de branche en branche, quand le diable musique, ce démon qui secoue un trousseau étincelant de strettes, de trilles et d'arpèges, se fut emparé du pauvre sourd, alors il redevint heureux. Il oublia tout, et son cœur qui se dilatait fit épanouir son visage. Tout à coup, en laissant tomber son regard entre les larges écailles ardoisées qui recouvrent à une certaine hauteur le mur à pic du clocher, il vit dans la place une jeune fille, bizarrement accoutrée, qui s'arrêtait, qui développait à terre un tapis où une petite chèvre venait se poser, et un groupe de spectateurs qui s'arrondissaient alentour. Cette vue changea subitement le cours de ses idées et figea son enthousiasme musical comme un souffle d'air fige une résine en fusion. Il s'arrêta, tourna le dos au carillon et s'accroupit derrière l'auvent d'ardoise en fixant sur la danseuse ce regard rêveur, tendre et doux, qui avait déjà une fois étonné l'archidiacre. Cependant, les cloches oubliées s'éteignirent brusquement toutes à la fois. Au grand désappointement des amateurs de sonnerie, lesquels écoutaient de bonne foi le carillon de dessus le pont au change et s'en allèrent stupéfaits, comme un chien à qui l'on a montré un os et à qui l'on donne une pierre. Livre dixième. Un ami maladroit. Cette nuit-là, Quasimodo, après avoir donné un coup d'œil à ces pauvres cloches si délaissées, à Jacqueline, à Marie, à Thibault, était monté jusque sur le sommet de la tour septentrionale et là, posant sur les plombs sa lanterne sourde bien fermée, il s'était mis à regarder Paris. Tout en laissant flotter dans cet horizon de brume et de nuit son unique regard, le sonneur sentait au-dedans de lui-même une inexprimable inquiétude. Tout à coup,